simple, c'est François Gallois qui vous parle. Reculons dans le temps, des centaines de millions d'années en arrière, à l'époque jurassique, l'époque des dinosaures. Des reptiles géants aux gueules terrifiantes dominent la Terre. Les mammifères ne sont que de petits êtres discrets. Un monde totalement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Vous voulez voir ce que sont devenus certains dinosaures, alors vous n'avez qu'à lever les yeux vers le ciel. Et oui, les oiseaux descendent directement de ces monstres anciens. Et pour élaborer davantage sur le sujet, j'ai à mes côtés Christiane Dupont. Christiane, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'origine des oiseaux et quelles sont les principales théories à ce sujet? Eh bien oui, ça fait assez longtemps parce que l'homme est d'une nature très curieuse, je crois. Alors il dit, bon, les oiseaux, déjà ça vole, c'est fascinant, d'où ça vient? Donc, aussi étonnant que ça puisse paraître comme ça quand on regarde un oiseau voler, ça vient, plusieurs théories, en fait, maintenant c'est très largement accepté que les oiseaux sont directement descendants de petits dinosaures, okay, de dinosaures, littéralement, d'une famille de dinosaures qu'on appelle les théropodes, plus particulièrement. Cette grande famille de dinosaures, les théropodes, était très diversifiée. Et puis, pour avoir une image mentale, il y en a certains, c'est vraiment l'image typique d'un dinosaure là, de Jurassic Park là, qu'on peut avoir en tête. Vous savez, le typique lézard vert avec des cuisses très fortes, ouais, une très longue queue, ouais, avec des petites pattes avant courtes. Ouais. Il se tient à la verticale, il a une grande gueule avec des dents. C'est typique dinosaure là, qu'on peut avoir. Donc, il y a des théropodes qui ont un peu cette allure-là. Il y en a des beaucoup plus petits, mais bon. Alors, ils seraient descendants de cette très grande famille qui était très de type prédateur, des dinosaures qui chassaient, qui avaient des dents et tout ça, qui ont côtoyé les mammifères parce que les mammifères maintenant sont, il y a des gros mammifères qui sont relativement dominants. Bon, il y a toujours les insectes là qui nous dominent fondamentalement et les bactéries, mais parlons gros animaux, les mammifères sont assez dominants si on nous inclut évidemment aussi. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment les reptiles et les dinosaures qui dominaient le monde. Planète, oui, la planète. Les mammifères étaient très petits, plus du type rongeur un peu. Mais c'est ce qui les a probablement sauvés des grandes extinctions parce qu'ils avaient beaucoup moins de biomasse. Ils étaient peut-être moins susceptibles de... C'est un fait. Donc, il n'y avait pas d'éléphants à cette époque-là. Il n'y avait pas d'éléphants encore à ce stade-là. Et puis, ils ont évolué, les théropodes, pendant 230 millions d'années. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, là, un oiseau. Les théropodes ont colonisé le milieu terrestre et également les milieux aquatiques. Donc, ils dominaient vraiment les écosystèmes globaux là, à cette époque. Et le théropode, appelons-le comme ça, est un ancêtre reptilien direct des oiseaux. Et comme je disais, il était bipède. Donc, il marchait juste sur deux pattes. Déjà comme les oiseaux, hein, faut garder ça en tête. C'est vrai oiseaux, qu'on l'oublie, ça. Oui, les oiseaux sont bipèdes. Hein, c'est les ailes. Les pattes avant sont devenues des ailes. Est-ce qu'ils dormaient souvent sur une patte? j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là, mais peut-être. J'en douterais, malheureusement. Il était bipède, marchait déjà comme un oiseau. Donc, c'est les pattes arrière qui étaient très musclées, qui avaient tout le poids. Alors, on peut passer à un poulet, là, pour avoir une image typique, là, ouais, hein, qui ont fait des cuisses très fortes. Et puis, il y avait de minuscules pattes avant, même les gros dinosaures. Les pattes avant étaient peut-être pour une petite manipulation fine, mais c'était pas très utile parce que le dinosaure était assez vertical. Et maintenant, si on parlait de ses caractéristiques physiques. Donc, comme je viens de le dire, les pattes avant étaient libres pour attraper les proies. Parce que quand on est quadrupède, on a juste la bouche, puis on a juste les dents. On peut pas manipuler grand-chose. C'est pas si pratique que ça. Donc, il y avait les pattes avant libres pour une manipulation plus fine. Le pied était formé pour faire des grandes foulées. Alors, qui va aider plus tard pour le vol, parce qu'il faut se donner un élan pour partir. Alors, c'est pratique, on peut faire des grandes enjambées. Et le squelette des théropodes, avec le temps, et là, je vais revenir après sur tout le concept d'évolution. Faut jamais oublier qu'ils ont évolué pas... Il n'y a pas de but futur. L'évolution n'a jamais de but futur. Oh, on va devenir des oiseaux, on va voler plus tard. En fait, qu'on s'adapte à l'environnement, quoi? C'est plutôt l'organe crée la fonction. Je vais y revenir, mais en fait... Toutes les petits détails que je dis, le pied, il y a des plus grandes foulées. C'était pas en prévision de voler. Personne ne savait qu'un jour il allait voler. Okay. C'est arrivé comme ça parce qu'il avait un avantage, un mélange de hasard et d'avantage reproducteur. Okay. Je vais y revenir. D'accord. C'est important de voir ça dans cet angle-là. Oui. Donc, le squelette des théropodes, de ces reptiles-là, il devient creux. Ce qui est très important parce que le squelette des oiseaux actuels est creux. Il y a beaucoup d'air. C'est lourd des os, là. Donc, ça serait beaucoup trop d'énergie. Donc, le squelette des est cassant et facile. Là, on peut casser des os d'oiseaux très facilement. Est-ce que c'est poreux même à la limite? Oui, c'est assez poreux. Okay. Et puis également, le crâne présentait des cavités parce que même le crâne aussi, parce que c'est lourd un crâne, la tête, tout à fait, peut-être plus léger. le cou s'allonge, le dos devient un peu plus horizontal avec le temps, hein, parce que les oiseaux, on a vraiment une tête d'oiseau, le dos est assez horizontal, contrairement aux théropodes dinosaures debout là, qui est qu'on plus voyait. Vertical. Et puis, comme les oiseaux actuels, certains théropodes dinosaures marchaient sur les trois doigts du milieu. Ils avaient cinq doigts et le poids était sur les trois doigts là, du centre. Et puis le pouce, hein, si on voit encore une poule, là, j'ai toujours la référence de la poule, mais tout le monde sait de quoi ça a l'air. Le pouce est un peu devenu inutile et a remonté un peu sur la cheville, entre guillemets, plus haut. C'est drôle parce que j'avais jamais remarqué que les oiseaux marchaient sur trois doigts. Oui, c'est souvent trois doigts, puis il y a vraiment une évolution des deux doigts à l'extrémité qui se sont transformés sans aller dans les détails. Là. Mais en fait, qu'est-ce qui est advenu? En fait, qu'est-ce qu'il y en a des plumes caractéristiques uniques des oiseaux? C'est unique des oiseaux, les plumes, ou presque. Là. Je ne peux pas élaborer sur l'ornithorynque là, qui m'échappe un peu, mais bon. Il y avait un proto-plumage. Proto veut dire ancien, avant. Il y avait une esquisse de plumage. Déjà, c'est de nombreux théropodes, qui étaient des reptiles. Alors, l'apparition des plumes bien avant le vol confirme ce que dit la théorie de l'évolution. Donc, l'organe crée la fonction. Donc, il y a un organe, par hasard, peut-être, des fois c'est le fruit du hasard. Le plumage a probablement dû remplir d'autres fonctions, telles l'isolation thermique, la communication sexuelle, la reproduction. Faut voir ça dans l'idée que peut-être qu'il y a des écailles pour un certain hasard, on ne sait pas exactement pourquoi, un mâle s'est mis à avoir des petites plumes. Et puis, peut-être qu'il avait l'air un peu plus gros, peut-être qu'il était un peu plus coloré, les femelles l'aimaient bien. Il y a eu un succès reproducteur un peu plus grand, donc ses enfants avaient des petites plumes. Puis eux aussi, peut-être qu'ils pognaient un peu plus, pardonnez-moi l'expression, avec les femelles. Et c'est comme ça que ce gène-là reste et se renforcit dans l'espèce. C'est un fait. Donc, et probablement que là, peut-être que les plumes sont devenues de plus en plus grandes. Encore là, le vol n'était pas dans la mire, c'était pas un objectif. Non, parce que ça, la nature n'a pas d'objectif. Non, il n'y a pas de plan, là. C'est vraiment, ça servait à être beau ou à isoler ou à être gros, on ne le sait pas trop, ça servait à ça. Mais à un moment donné, ça servait à voler, en tout cas. Oui, exactement, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Seulement, beaucoup plus tard, la plume est devenue asymétrique, parce qu'une plume, quand on la regarde vraiment, elle n'est pas symétrique des deux côtés, et adaptée au vol, est devenue aérodynamique. C'est beaucoup plus tard. OK. Alors, je vais continuer sur comment les oiseaux sont vraiment apparus. Alors, au cours de l'évolution, les théropodes, ils ont eu d'autres caractéristiques qui se sont ajoutées, qui les ont amenés tranquillement vers la forme des oiseaux qu'on connaît aujourd'hui. Bon, sans aller dans les détails, parce qu'il y en a énormément pour un paléontologue, là, on pourrait s'y perdre. Une ceinture pectorale se modifie, la cage thoracique va s'ouvrir, qui va favoriser la capture de proies, puis l'envol. Pouvoir vraiment s'ouvrir la cage pectorale parce qu'il faut vraiment battre des ailes, il faut être très ouvert, il faut que les os soient faits de cette manière-là. Les bras vont s'allonger. On se rappelle au début, le théropode avait des petites pattes avant. Ouais. Et puis là, tranquillement, ça s'allonge. Ça va devenir les ailes. Et spécialement chez Archaeopteryx, il faut se rappeler de ce nom parce que je vais y revenir dans la chronique, il y a eu diverses modifications à ça, il y a eu plein de choses. La queue va se raccourcir. Alors, je reviens à l'image du gros dinosaure qui a une grosse queue verte. Hein, il s'appuie un peu sur sa queue. Très lourde aussi. Très lourde, très grosse. Donc, la queue se raccourcit parce que les oiseaux n'ont pas de très longues queues. On voit des longues plumes parfois, mais c'est une illusion. La queue est très courte. Là. Très courte. Il n'y a pas d'os, là. C'est pas très loin. Non, c'est très ça. Long. Ça se rigidifie et la queue va devenir un balancier qui est très efficace pour la course et pour le vol. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux muscles qui commencent à s'insérer le bord de la queue pour que la queue puisse bouger et servir de gouvernail un peu également. OK. Et le vol implique plusieurs contraintes physiologiques aussi? Oui, évidemment. Il faut un appareil respiratoire. Ça, on n'y pense pas, mais il faut vraiment un appareil respiratoire unique qui est très adapté au vol. On ne peut pas imaginer ça, nous, en tant qu'humains, qui est constitué de plusieurs sacs aériens séparés, un peu comme, je vais faire une image qui est peut-être boiteuse, je pense à une cornemuse, mais vous savez, il faut avoir un flux d'air constant dans les poumons. Okay. Nous, on respire, on expire, c'est pas constant, il y a un arrêt où on expire, puis il n'y a pas d'air. Hein? Donc, alors que les autres, ça ne marche pas. Ça rentre et ça sort en même temps. Donc, il y a de l'air qui rentre, et puis il y a des sacs qui accumulent, puis quand il y a une expiration, bien, il y a d'autres airs qui vont prendre la place d'un sac. Bon, c'est un peu comme une genre de cornemuse avec flux continu. D'accord. C'est essentiel pour le vol parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des oiseaux qui s'essoufflent puis qui montent puis qui rebaissent puis qui sont essoufflés en volant. Non, hein? Non, ça fait. On n'en voit pas. Non, donc, c'est ça. C'est un apport énergétique très constant. C'est un apport énergétique énorme de voler, donc ils sont très adaptés au niveau respiration. Oui, tout à fait. Également, grosse différence, les oiseaux sont endothermes, c'est-à-dire à sang chaud. Hein, les reptiles, c'est à sang froid. Ils vont se faire chauffer au soleil, puis ils sont actifs quand il fait chaud, puis ils ne bougent pas trop quand il fait froid parce que, bon, leur métabolisme ralentit. Alors que les oiseaux, comme les mammifères, ils fabriquent leur propre chaleur. Mais c'est essentiel pour voler puis se promener parce que le niveau d'énergie ne variera pas avec la température ambiante. Parce que sinon, l'hiver, il n'y aurait aucun oiseau qui volerait. Hein? Puis ça ne marcherait pas, les migrations. Il n'y aurait rien qui marcherait. Donc, cette adaptation existait probablement avant le vol et a été fortement gardée lors de l'évolution. Et j'imagine que c'est par la découverte de divers fossiles qu'on a pu savoir tout ça? Oui, évidemment, parce qu'il n'y a rien de vivant dans ce que je viens de parler. Les théropodes, il n'y en a plus de vivant. Mais c'est très intéressant. On se cache bien s'il y en a. Oui, hein, quelqu'un ferait de l'argent s'il trouvait ça, je pense. C'est intéressant parce que c'est depuis Charles Darwin environ, l'époque de Charles Darwin, que c'est une... C'est une saga un peu. Alors, en 1859, Charles Darwin, le célèbre Charles Darwin, publie L'Origine des espèces. Donc, le livre qui a fait le tollé qu'on lui connaît, les religieux qui en sont jamais revenus. Finalement, il y a une évolution et puis le monde n'a pas toujours été tel qu'il est. Ça a été, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Les humains n'ont pas côtoyé les dinosaures. Pas créé en 7 jours, même si c'est cette couleur. Non, pas nécessairement à l'image de quelqu'un. C'est l'image de personne. Et puis, 2 ans plus tard seulement, donc en 1861, les premiers fossiles d'archéoptérix, c'était plutôt des plumes fossilisées, ont été découverts en Bavière. Et archéoptérix, petite parenthèse, pour quelqu'un qui voudrait avoir une image et qui connaît le plein air, il y a une marque de vêtements de plein air canadienne qui est relativement connue, qui s'appelle Arctérix. Et puis, ça se vend dans les magasins un peu haut de gamme, il y a du beau matériel. Et puis, le logo, pour avoir une image, ceux qui connaissent ça, c'est un oiseau qui a l'air étampé, un peu un fossile. Eh bien, c'est vraiment ce fossile-là. Okay. Ils se sont inspirés de ça pour se nommer. Ça peut être repris, ça, dans Astérix, Archéoptérix, non? Ça sonnerait bien. J'en ai lu plusieurs, je pourrais pas dire, malheureusement. mais ça sonne très Astérix, effectivement. Oui. On change de siècle dans la chronologie. Alors, à la fin des années 60, un certain John Ostrom, étudie le squelette de plusieurs théropodes, des squelettes de vieux dinosaures, dont Archéoptérix, qui était un théropode, et déduit que les oiseaux sont vraiment les descendants de ça. Donc, cette théorie-là continue à évoluer là, depuis les années 1800. En 1975, un certain Jacques Gauthier, de l'Université de Berkeley, en Californie, confirme que les oiseaux descendent directement des théropodes. Donc là, vraiment, en 1975, la communauté scientifique dit « Ouais, ben c'est pas mal ça, mais on sait que ça vient des théropodes, mais quel théropode, qui? » Il manque quand même, il manque beaucoup d'informations. Et depuis les années 90, il y a beaucoup de fossiles de reptiles à plumes qui ont été découverts en Chine. Alors, ça change un peu la donne par rapport à Archéoptérix, justement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec le chaînon, en fait, ce chaînon important, Archéoptérix? Eh bien, Archéoptérix, c'est vraiment l'emblème, l'espèce qui est vraiment la transition entre le reptile et l'oiseau. Okay. Depuis longtemps, il y a toujours des chercheurs qui ont mis certaines réticences où ils n'étaient pas certains. Ça fait longtemps qu'ils disent « Ouais, ben on n'est pas certain, c'est Archéoptérix. » Mais vu que ça a été découvert 2 ans après l'apparition du livre de Charles Darwin, ça confirmait l'hypothèse d'évolution. C'est super beau, c'est un très beau timing, donc ça a été accepté rapidement. Donc, Archéoptérix, jusqu'à encore très récemment, était considéré comme l'oiseau le plus ancien. C'était un oiseau, c'était le premier oiseau. Il y avait des ailes très développées avec des grandes plumes. Il y avait un genre de bec. Vous pourrez googler ça. C'est intéressant de voir un type d'oiseau, un oiseau jurassique, entre guillemets. Uh-huh. Il y avait des aptitudes pour le vol. Mais cette année, 2011, il y a eu un coup de théâtre. Littéralement, beaucoup de changements. Il y a des paléontologues chinois qui ont décidé, de se mêler de la question. De se mêler de la question et refont l'évolution et concluent qu'Archéoptérix, le premier oiseau qui est considéré comme ça depuis 150 ans, serait un simple dinosaure aux allures de volatile. Donc, ça change beaucoup de choses pour les paléontologues. La découverte en Chine d'un fossile de dinosaure à plumes, qui n'est pas Archaeopteryx, un autre fossile, un petit dinosaure de 800 grammes, très, très proche d'Archaeopteryx, mais qui n'est pas lui. C'est vraiment petit, ça, 800 grammes. Oui, c'est pas très gros, mais c'est plus typique oiseau aussi. Hein? Ouais, oui, tout à fait. Mais ça chamboule l'arbre phylogénétique. Ça en est dans les détails. Bon, on peut faire des arbres phylogénétiques pour essayer de classer tous les êtres vivants et les fossiles. Ça fait vraiment un arbre. Et soudainement, en entrant ce fossile-là dans l'arbre, Archaeopteryx est littéralement tombé de sa branche de l'arbre et a cessé d'être un oiseau. Depuis cet été, il est un simple dinosaure. Le docteur Xing Shu, qui est un Chinois, dont l'étude a été publiée cet été, en juillet 2011, dans la revue Nature, qui est très prestigieuse. Donc, ce n'est pas n'importe quelle revue obscure dont les résultats pourraient être un peu douteux, on ne sait pas. Bon, ce docteur-là dit qu'il faut quand même rester prudent parce qu'il est nécessaire d'avoir d'autres données. On ne va pas changer 150 ans du jour au lendemain. Un peu comme la relativité d'Einstein. Exactement. Et puis, les découvertes continuent. Donc, c'est toujours un, pardonnez-moi l'anglicisme, un work in progress. Oh, hein? Oui, on n'a pas fini de trouver les fossiles. Ça va peut-être changer encore. Donc, il reste vraiment du pain sur la planche à ce niveau-là. Mais ces découvertes désignent la Chine un peu comme le nouveau terrain de jeu des paléontologues. Donc, on ne sait pas qui sait ce que l'avenir nous réserve dans les connaissances sur les oiseaux. Alors, on va rester à l'affût. Merci beaucoup, Christiane, pour ce voyage dans le temps qui nous démontre à quel point l'étude de l'évolution est complexe et que l'on commence seulement à résoudre seulement quelques énigmes. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.